les lunettes. Oh, ouais, je t'ai dit toi, là. Ah, ben, regardons ça. T'as donc ben une belle calotte. Donne-moi ça. Emmène ça ici. Hey, mais t'as donc ben un beau manteau. Emmène ça ici. C'est pour payer ton droit de passage. Oh, mais t'as des maudites belles bottes. Hey, deux choses moins. Emmène ça ici. C'est la taxe des fusions. Emmène ça ici. Hey, Gus, on s'en va-tu, là? On n'a pas menacé. Non! Hey, regardons ça! T'as donc ben des beaux pas! Envoie deux choses tes bas pis ça presse! Emmène ça ici! Hey, regardez ça, les gars! Des maudits beaux bas! Oh! Mais ça sent mauvais! Oh non, Gus! C'est des bas toxiques! Ici l'inspecteur Lepif. Nous avons enfin mis la main sur le groupe des taxeurs bénécoles. Grâce à notre agent secret, le petit Paul-Henri Sébastien du terroir Barnabé du Moulin Casse-Grain. Terminé.